Chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla à Gérar, vers Abimélec, roi des Philistins. Le Seigneur lui apparut et dit, « Ne descends point en Égypte, mais demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et en ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé mon ordre, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Isaac demeura donc à Gérar. Les gens du lieu le questionnaient sur sa femme. Il disait, « C'est ma sœur », car il craignait de dire, « Ma femme ». De peur, pensait-il, que les gens du lieu ne me tuent à cause de Rebecca, car elle était belle de figure. Comme son séjour à Gérar se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, aperçut Isaac qui faisait des caresses à Rebecca, sa femme. Abimélec appela Isaac et dit, « Elle ne peut être que ta femme. Comment as-tu dit, « C'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « C'est que je me disais, je crains de mourir à cause d'elle. » Et Abimélec dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Car peu s'en est fallu qu'un homme du peuple couche avec ta femme, et tu aurais fait venir sur nous un péché. » Alors Abimélec donna cet ordre à tout le peuple. « Celui qui touchera cet homme ou sa femme sera mis à mort. » Isaac fit des semailles dans ce pays, et il recueillit cette année-là le centuple. Le Seigneur le bénit, et cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et beaucoup de serviteurs, et les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps de son père Abraham, les Philistins les bouchèrent en les remplissant de terre. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac s'en alla et, ayant établi son campement dans la vallée de Gérar, il y demeura. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Et les bergers de Gérar se querellèrent avec les bergers d'Isaac, en disant, « L'eau est à nous. » Et il nomma le puits Ézek, parce qu'ils avaient eu un débat avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel il y eut encore une querelle, et il le nomma Sitna. Étant parti de là, il creusa un autre puits, pour lequel il n'y eut plus de querelle, et il le nomma Rékoboth. Car maintenant, dit-il, le Seigneur nous a mis au large, et nous prospérerons dans le pays. De là, il remonta à Bersabée. Le Seigneur lui apparut cette nuit-là et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il éleva là un autel et invoqua le nom du Seigneur. Puis il y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint vers lui, de Gérar, avec Okozat, son ami, et Phicol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi êtes-vous venus vers moi, vous qui me haïssez et qui m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous avons vu clairement que le Seigneur est avec toi, et nous avons dit, qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions une alliance avec toi. » Jure de ne pas nous faire de mal, de même que nous ne t'avons pas touché, et que nous ne t'avons fait que du bien, et t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant le béni du Seigneur. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Et, s'étant levés de bon matin, ils se prêtèrent serment l'un à l'autre. Puis Isaac les congédia, et ils s'en allèrent de chez lui en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui apporter des nouvelles du puits qu'il creusait. Ils lui dirent : « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il appela le puits Shibéa. C'est pour cela que la ville se nomme Bersabée jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Héthéen, et Basemat, fille d'Élon, le Héthéen. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca. Chapitre 27. Isaac était devenu vieux, et ses yeux s'étaient obscurcis au point de ne plus voir. Il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit : « Mon fils. » Celui-ci répondit : « Me voici. » Isaac dit : « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans la campagne et tue-moi du gibier. Fais-moi un bon plat, selon mon goût, et apporte-le-moi, que je le mange, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca entendait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans la campagne pour tuer du gibier et l'apporter. Alors Rebecca parla ainsi à Jacob, son fils. « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à ton frère Ésaü. Apporte-moi du gibier et fais-moi un bon plat, afin que je le mange et que je te bénisse devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute ma voix dans ce que je vais te commander. Va au troupeau et prends-moi 2 beaux chevreaux. J'en ferai pour ton père un bon plat, selon son goût, et tu le porteras à ton père, et il en mangera, afin qu'il te bénisse avant de mourir. » Jacob répondit à Rebecca, sa mère. « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et moi j'ai la peau lisse. Peut-être que mon père me touchera, et je passerai à ses yeux pour m'être joué de lui, et j'attirerai sur moi une malédiction au lieu d'une bénédiction. » Sa mère lui dit : « Je prends sur moi ta malédiction, mon fils. Écoute seulement ma voix, et va me prendre les chevreaux. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui en fit un bon plat, selon le goût de son père. Et Rebecca prit les habits d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait dans la maison, et elle en revêtit Jacob, son fils cadet. Puis elle lui couvrit les mains de la peau des chevreaux, ainsi que la partie lisse du cou. Et elle mit dans la main de Jacob, son fils, le bon plat et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit : « Mon père. » « Me voici, dit Isaac. Qui es-tu, mon fils ? » Jacob répondit à son père : « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de ma chasse, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils : « Comment as-tu trouvé si vite, mon fils ? » Jacob répondit : « C'est que le Seigneur, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Et Isaac dit à Jacob : « Approche donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es bien mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'étant approché d'Isaac, son père, celui-ci le toucha et dit : « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit : « C'est bien toi qui es mon fils Ésaü. » « C'est moi, répondit Jacob. » Et Isaac dit : « Serre-moi, que je mange du gibier de mon fils, et que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui présenta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit : « Approche-toi donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa, Et Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, et il le bénit en disant « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ qu'a béni le Seigneur. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, et abondance de froment et de vin. Que des peuples te servent, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudira, et béni soit qui te bénira. » Isaac avait achevé de bénir Jacob, et Jacob venait de quitter Isaac, son père, lorsque Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il prépara lui aussi un bon plat et l'apporta à son père. Et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange de la chasse de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu ? » Il répondit, « Je suis ton fils, ton premier-né, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une terreur extrême, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et m'en a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni, et il sera béni en effet. » Lorsque Ésaü eut entendu les paroles de son père, il jeta un grand cri, une plainte très amère, et il dit à son père, « Bénis-moi, moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'appelle Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Il a pris mon droit d'aînesse, et voilà maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas réservé pour moi une bénédiction ?» Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de froment et de vin. Et pour toi, donc, que puis-je faire, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi, moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, lui répondit, « Privé de la graisse de la terre sera ta demeure, privé de la rosée qui descend du ciel. Tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère. Mais il arrivera que, en secouant son joug, tu le briseras de dessus ton cou. » Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. Et Ésaü dit en son cœur, « Les jours où je ferai le deuil de mon père approchent. Alors je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Voici qu'Ésaü, ton frère, veut se venger de toi en te tuant. Maintenant donc, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis vers Laban, mon frère, à Haran, et tu resteras quelque temps auprès de lui, jusqu'à ce que la fureur de ton frère soit apaisée, jusqu'à ce que la colère de ton frère se soit détournée de toi et qu'il ait oublié ce que tu lui as fait. Alors je t'enverrai chercher de là. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour ?» Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-là parmi les filles de Heth, parmi les filles de ce pays, à quoi me sert la vie ?» Chapitre 28. Isaac appela Jacob et le bénit, et il lui donna cet ordre. « Tu ne prendras pas pour femme une des filles de Canaan. Lève-toi, va en Padan Aram, chez Bathuel, père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, frère de ta mère. » Que Dieu le Tout-Puissant te bénisse, qu'il te fasse croître et multiplier, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes, et que Dieu a donné à Abraham. » Et Isaac congédia Jacob, qui s'en alla en Padan Aram, vers Laban, fils de Bathuel l'Araméen, frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé en Padan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre « Tu ne prendras pas pour femme une des filles de Canaan. » Et que Jacob, obéissant à son père et à sa mère, était parti pour Padan Aram. Ésaü vit donc que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël, et il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait déjà, Mahélet, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nabaïoth. Jacob partit de Bersabée et s'en alla à Haran. Il arriva dans un lieu, et il y passa la nuit, parce que le soleil était couché. Ayant pris une des pierres qui était là, il en fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe, et voici, une échelle était posée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, sur elle des anges de Dieu montaient et descendaient, et au haut se tenait l'Éternel. Il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Saisi de crainte, il ajouta, « Que ce lieu est redoutable. C'est bien ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. » S'étant levé de bon matin, Jacob prit la pierre dont il avait fait son chevet, la dressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Il nomma ce lieu Bethel, mais primitivement la ville s'appelait Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde dans ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne heureusement à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera une maison de Dieu, et je vous paierai la dîme de tout ce que vous me donnerez. » Chapitre 29. Jacob reprit sa marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans la campagne, et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui étaient couchés, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre qui était sur l'ouverture du puits était grande. Là se réunissaient tous les troupeaux. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on faisait boire les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Ils répondirent, « Nous sommes de Haran. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ? » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé ? » Ils répondirent, « Il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec les brebis. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis et retournez les faire paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés et qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits. Alors nous abreuverons les brebis. » Il s'entretenait encore avec eux, lorsque Rachel arriva avec les brebis de son père, car elle était bergère. Dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et les brebis de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva les brebis de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, et il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était frère de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Quand Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au devant de lui, et l'ayant pris dans ses bras, il lui donna des baisers et l'amena dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, « Oui, tu es mes os et ma chair. » Et Jacob demeura avec lui un mois entier. Alors Laban dit à Jacob, « Est-ce que, parce que tu es mon frère, tu me serviras pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire ?» Or Laban avait deux filles. L'aînée se nommait Lia et la cadette Rachel. Lia avait les yeux malades, mais Rachel était belle de taille et belle de visage. Comme Jacob aimait Rachel, il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « Mieux vaut te la donner que la donner à un autre. Reste avec moi. » Et Jacob servit pour Rachel 7 années, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Et le soir, prenant Lia, sa fille, il l'amena à Jacob, qui alla vers elle. Et Laban donna sa servante Zelpha pour servante à Lia, sa fille. Le matin venu, voilà que c'était Lia. Et Jacob dit à Laban, « Que m'as-tu fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban répondit, « Ce n'est point l'usage dans notre pays de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine de celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 autres années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine de Lia. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna sa servante Bala pour servante à Rachel, sa fille. Jacob alla aussi vers Rachel, et il l'aima aussi plus que Lia. Il servit encore chez Laban 7 autres années. Le Seigneur vit que Lia était haïe, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Lia conçut et enfanta un fils, et elle le nomma Ruben, car elle dit, « Le Seigneur a regardé mon affliction. Maintenant mon mari m'aimera. » Elle conçut encore et enfanta un fils, et elle dit, « Le Seigneur a entendu que j'étais haïe, et il m'a encore donné celui-là. » Et elle le nomma Siméon. Elle conçut encore et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on le nomma Lévi. Elle conçut encore et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois je louerai le Seigneur. » C'est pourquoi elle le nomma Judas, et elle cessa d'avoir des enfants. Chapitre 30. Rachel, voyant qu'elle n'enfantait pas d'enfants à Jacob, fut jalouse de sa sœur, et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu, qui t'a refusé la fécondité ?» Elle dit, « Voici ma servante Bala. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et par elle j'aurai, moi aussi, une famille. » Et elle lui donna Bala, sa servante, pour femme. Et Jacob alla vers elle. Bala conçut et enfanta un fils à Jacob. Et Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice. Et même, il a entendu ma voix et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle le nomma Dan. » Bala, servante de Rachel, conçut encore et enfanta un second fils à Jacob. Et Rachel dit, « J'ai lutté auprès de Dieu à l'encontre de ma sœur, et je l'ai emporté. » Et elle le nomma Nephtali. Lorsque Lia vit qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, elle prit Zelpha, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zelpha, servante de Lia, enfanta un fils à Jacob. Et Lia dit « Quelle bonne fortune !» Et elle le nomma Gad. Zelpha, servante de Lia, enfanta un second fils à Jacob. Et Lia dit « Pour mon bonheur, car les filles me diront bien heureuse. » Et elle le nomma Aser. Ruben sortit au temps de la moisson des blés, et, ayant trouvé des mandragores dans les champs, il les apporta à Lia, sa mère. Alors Rachel dit à Lia, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes encore les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, qu'il couche avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Lia sortit à sa rencontre et lui dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai loué pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Lia. Elle conçut et enfanta à Jacob un cinquième fils. Et Lia dit, « Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle le nomma Issachar. Lia conçut encore et enfanta un sixième fils à Jacob. Et elle dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois mon mari habitera avec moi, puisque je lui ai enfanté six fils. » Et elle le nomma Zabulon. Elle enfanta ensuite une fille, qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Elle conçut et enfanta un fils, et elle dit, « Dieu a ôté mon opprobre. » Et elle le nomma Joseph, en disant, « Que le Seigneur m'ajoute encore un autre fils. » Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir, et que je retourne chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes, ainsi que mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'ai observé que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais toi-même comment je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton bétail avec moi. » Car c'était peu de choses que ton bien avant moi. Mais il s'est extrêmement accru, et le Seigneur t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison ? » Laban dit, « Que te donnerai-je ? » Et Jacob dit, « Tu ne me donneras rien. Si tu m'accordes ce que je vais dire, je recommencerai à paître ton troupeau et à le garder. Je passerai aujourd'hui à travers tout ton troupeau, en mettant à part parmi les agneaux toute bête tachetée et marquée et toute bête noire, et parmi les chèvres tout ce qui est marqué et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture témoignera pour moi demain, quand tu viendras reconnaître mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqué parmi les chèvres et noir parmi les agneaux sera chez moi un vol. » Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Et le jour même, il mit à part les boucs rayés et marqués, toutes les chèvres tachetées et marquées, toutes celles qui avaient du blanc, et tout ce qui était noir parmi les agneaux, et il les mit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob faisait paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des baguettes vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les baguettes. Puis il plaça les baguettes qu'il avait pelées en regard des brebis dans les rigoles, dans les abreuvoirs où les brebis venaient boire, et elles entraient en chaleur quand elles venaient boire. Et les brebis, entrant en chaleur devant les baguettes, faisaient des petits rayés, tachetés et marqués. Jacob mettait à part les agneaux, et il tournait la face du troupeau vers ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à lui, qu'il ne joignit pas au troupeau de Laban. En outre, c'était quand les brebis vigoureuses entraient en chaleur que Jacob mettait sous les yeux des brebis les baguettes dans les abreuvoirs, afin qu'elles entrassent en chaleur près des baguettes. Quand les brebis étaient chétives, il ne les mettait point, en sorte que les agneaux chétifs étaient pour Laban et les vigoureux pour Jacob. Cet homme devint ainsi extrêmement riche. Il eut de nombreux troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Chapitre 31. Jacob entendit les fils de Laban qui disaient : Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est fait toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus à son égard comme auparavant. Et le Seigneur dit à Jacob : Retourne au pays de tes pères et au lieu de ta naissance, et je serai avec toi. Alors Jacob fit dire à Rachel et à Lia de venir le trouver au champ où il faisait paître son troupeau. Il leur dit : Je vois que le visage de votre père n'est plus le même envers moi qu'auparavant. Or le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi, changeant 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me causer du préjudice. Quand il disait : Les bêtes tachetées seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des agneaux tachetés. Et s'il disait : Les bêtes rayées seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des agneaux rayés. Dieu a donc pris le bétail de votre père et me l'a donné. Au temps où les brebis entrent en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les béliers qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et un ange de Dieu me dit en songe : Jacob. Je répondis : Me voici. Et il dit : Lève les yeux et regarde. Tous les béliers qui couvrent les brebis sont rayés, tacheté et marqueté, car j'ai vu tout ce que t'a fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Lia répondirent en disant : Est-ce que nous avons encore une part et un héritage dans la maison de notre père ? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il mange notre argent. D'ailleurs, tout le bien que Dieu a enlevé à notre père, nous l'avons, nous et nos enfants. Fais donc maintenant ce que Dieu t'a ordonné. » Jacob se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tout le bien qu'il avait acquis, le troupeau qu'il possédait, qu'il avait acquis à Padan Aram. Et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Comme Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'informant pas de sa fuite. Il s'enfuit, lui et tout ce qui lui appartenait, et, s'étant levé, il traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères et le poursuivit pendant 7 journées de chemin. Il l'atteignit à la montagne de Galaad. Et Dieu vint en songe, de nuit, vers Laban l'araméen, et il lui dit : Garde-toi de rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne, et Laban avait aussi dressé la sienne, avec ses frères, sur la montagne de Galaad. Laban dit à Jacob : Qu'as-tu fait ? Tu as abusé mon esprit et tu as emmené mes filles comme des captives prises par l'épée. Pourquoi as-tu pris secrètement la fuite et m'as-tu trompé, au lieu de m'avertir ? Moi qui t'aurais laissé aller dans l'allégresse des champs, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. Vraiment, tu as agi en insensé. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a parlé cette nuit en disant, « Garde-toi de rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. Et maintenant, tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père. Mais pourquoi as-tu dérobé mes dieux ?» Jacob répondit et dit à Laban, « C'est que j'avais de la crainte, en me disant que peut-être tu m'enlèverais tes filles. Quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux, il ne vivra pas. En présence de nos frères, reconnais ce qui t'appartient chez moi et prends-le. » Or Jacob ignorait que Rachel les eût dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Lia et dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Puis il sortit de la tente de Lia et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis dans la selle du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente sans rien trouver. Et Rachel dit à son père, « Que mon Seigneur ne s'irrite point de ce que je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha, mais ne trouva pas les téraphim. Jacob se mit en colère et adressa des reproches à Laban. Et Jacob prit la parole et dit à Laban, « Quel est mon crime? Quelle est ma faute? Que tu t'acharnes après moi. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils soient juges entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Ce qui était déchiré par les bêtes sauvages, je ne te l'ai pas rapporté. C'est moi qui en ai supporté la perte. Tu me réclamais ce qui avait été dérobé de jour et ce qui avait été dérobé de nuit. J'étais dévoré le jour par la chaleur et la nuit par le froid, et mon sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que je suis dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton bétail, et tu as changé mon salaire 10 fois. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et la terreur d'Isaac n'eût pas été pour moi, tu m'aurais maintenant laissé partir à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et cette nuit il a jugé entre nous. » Laban répondit et dit à Jacob, « Ces filles sont mes filles, ces enfants mes enfants, ces troupeaux mes troupeaux, et tout ce que tu vois est à moi. Que ferais-je aujourd'hui à mes filles, à elles et aux fils qu'elles ont enfantés? Maintenant donc, viens, faisons alliance, moi et toi, et qu'il y ait un témoin entre moi et toi. » Jacob prit une pierre et la dressa pour monument. Et Jacob dit à ses frères, « Amassez des pierres. » Ils prirent des pierres et en firent un monceau, et ils mangèrent là, sur le monceau. Laban l'appela Yegar Saadouta, et Jacob l'appela Galaad. Et Laban dit, « Ce monceau est témoin entre moi et toi aujourd'hui. C'est pourquoi on lui donna le nom de Galaad, et aussi celui de Mitzpah, parce que Laban dit, « Que le Seigneur nous surveille, moi et toi, quand nous serons séparés l'un de l'autre. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends d'autres femmes à côté de mes filles, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Mais prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. » Laban dit encore à Jacob, « Voici ce monceau, et voici le monument que j'ai dressé entre moi et toi. Ce monceau est témoin, et ce monument est témoin que je n'avancerai pas vers toi au-delà de ce monceau, et que tu n'avanceras pas vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour faire du mal. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Nachor et le Dieu de leur père soient juges entre nous. » Et Jacob jura par la terreur d'Isaac. Et Jacob offrit un sacrifice sur la montagne, et il invita ses frères au repas. Ils mangèrent donc, et passèrent la nuit sur la montagne. Chapitre 32. Laban se leva de bon matin. Il baisa ses fils et ses filles, et les bénit. Puis il partit, pour retourner dans sa maison. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, il dit « C'est le camp de Dieu ». Et il donna à ce lieu le nom de Mahaïm. Jacob envoya devant lui des messagers vers Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon seigneur, à Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs et des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'en fais informer mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob eut une grande frayeur et fut dans l'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit « Si Ésaü rencontre l'un des camps et le frappe, le camp qui restera pourra être sauvé. » Jacob dit « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel, qui m'avait dit « Retourne en ton pays et au lieu de ta naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont vous avez usé envers votre serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je suis devenu deux camps. Délivrez-moi, je vous prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne me frapper, la mère avec les enfants. Et vous, vous avez dit, « Je te ferai du bien et je rendrai ta postérité pareille au sable de la mer, si nombreux qu'on ne peut le compter. » Jacob passa là cette nuit, et il prit de ce qu'il avait sous la main pour en faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitaient avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânons. Il les remit à ses serviteurs, chaque troupeau à part, et il leur dit « Passez devant moi et laissez un intervalle entre chaque troupeau. » Et il donna ordre au premier. « Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, « À qui es-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce troupeau qui va devant toi ?» Tu répondras, « À ton serviteur Jacob, c'est un présent qu'il envoie à mon seigneur, à Ésaü. Et voici que lui-même vient derrière nous. » Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux, en disant, « Vous parlerez ainsi à Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, « Voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. » Car il se disait, « Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, et ensuite je verrai sa face. Peut-être me fera-t-il bon accueil. » Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva dans la même nuit, et, ayant pris ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants, il passa le gué du jabot. Il les prit et leur fit passer le torrent. Il fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le toucha à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit à Jacob, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Et il dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as combattu avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il dit, « Pourquoi demandes-tu quel est mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Phanuel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauve. » et le soleil se leva quand il eut passé Phanuel, mais il boitait de la hanche. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent point jusqu'à ce jour le grand nerf qui est à l'articulation de la hanche, parce que Dieu a touché l'articulation de la hanche de Jacob au grand nerf. Chapitre 33. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü venait, ayant avec lui 400 hommes. Ayant distribué les enfants par groupes auprès de Lia, auprès de Rachel et auprès des deux servantes, il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Lia avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se courba vers la terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût proche de son frère Ésaü. Ésaü courut à sa rencontre, l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Puis, levant les yeux, Ésaü vit les femmes et les enfants, et il dit : Qui sont ceux que tu as là ? Jacob répondit : Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Lia et ses enfants s'approchèrent aussi, et ils se prosternèrent. Ensuite s'approchèrent Joseph et Rachel, et ils se prosternèrent. Et Ésaü dit : Que veux-tu faire avec tout ce camp que j'ai rencontré ? Et Jacob dit : C'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit : Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob dit : Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte mon présent de ma main, car c'est pour cela que j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon offrande qui t'a été amenée, car Dieu m'a accordé sa faveur, et je ne manque de rien. » Il le pressa si bien qu'Ésaü accepta. Ésaü dit : Partons, mettons-nous en route. Je marcherai devant toi. » Jacob répondit : Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que je suis chargé de brebis et de vaches qui allaitent. Si on les pressait un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi, je suivrai doucement, au pas du troupeau qui marche devant moi, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur, à Séhir. Ésaü dit : Permets au moins que je laisse auprès de toi une partie des gens qui sont avec moi. » Jacob répondit : Pourquoi cela, que je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur ? Et Ésaü reprit ce jour-là le chemin de Séhir. Jacob partit pour Socoth, et il se construisit une maison. Il fit aussi des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi on a appelé ce lieu Socoth. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, au pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta des fils de Hémor, père de Sichem, pour 100 késitas, la pièce de terre où il avait dressé sa tente. Il éleva là un autel, et l'appela El Eloé Israël. Chapitre 34. Dina, la fille que Lia avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sichem, fils de Hémor, le Hévéen, prince du pays, l'ayant aperçue, l'enleva, coucha avec elle et lui fit violence. Son âme s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et parla au cœur de la jeune fille. Et Sichem dit à Hémor, son père : Prends-moi cette jeune fille pour femme. Or Jacob apprit qu'il avait outragé Dina, sa fille. Mais, comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hémor, père de Sichem, sortit vers Jacob pour lui parler. Or les fils de Jacob étaient revenus des champs quand ils apprirent la chose. Ces hommes furent outrés et entrèrent en une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie contre Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait pas se faire. Hémor leur parla ainsi : L'âme de Sichem, mon fils, s'est attachée à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez chez nous, et le pays sera à votre disposition pour vous y établir, y trafiquer et y acquérir des propriétés. » Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi un fort prix d'achat et de grands présents, et ce que vous me direz, je le donnerai. Mais donnez-moi la jeune fille pour femme. » Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hémor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme non circoncis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Ainsi, nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous circoncire, nous reprendrons notre fille, et nous nous en irons. » Leurs paroles plurent à Hémor et à Sichem, fils de Hémor. Et le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il était épris de la fille de Jacob, et il était l'homme le plus considéré de la maison de son père. Hémor et Sichem, son fils, se rendirent donc à la porte de la ville, et ils parlèrent aux hommes de leur ville en disant, « Ces gens-là sont des hommes pacifiques au milieu de nous, qu'ils s'établissent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Voici que le pays, à droite et à gauche, est assez vaste pour eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes, et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour devenir un même peuple, qu'à une condition, c'est que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux et leurs biens, et toutes leurs bêtes de somme ne seront-ils pas à nous? Seulement, accédons à leurs désirs et qu'ils s'établissent chez nous. » Tous ceux qui sortaient par la porte de la ville écoutèrent Hémor et Sichem, son fils, et tout mâle fut circoncis, tout homme sortant par la porte de la ville. Le troisième jour, lorsqu'ils étaient souffrants, deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, marchèrent sans crainte sur la ville et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hémor et Sichem, son fils. Et, ayant enlevé Dina de la maison de Sichem, ils sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs brebis, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent comme butin tous leurs biens, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous m'avez troublé. En me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéréziens, je n'ai avec moi que peu de gens. Ils s'assembleront contre moi et me tueront, et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ?» Chapitre 35. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y, et dresse là un autel au Dieu qui t'est apparu quand tu fuyais devant Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, et là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé au jour de mon angoisse et qui a été avec moi dans le voyage que j'ai fait. » Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les boucles qu'ils avaient aux oreilles, et Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est à Sichem. Ils partirent, et la terreur de Dieu se répandit sur les villes d'alentour, et on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob, avec tous les gens qui étaient avec lui, arriva à Luz, au pays de Canaan. C'est Bethel. Il y bâtit un autel, et il appela ce lieu El-Bethel, car c'est là que Dieu lui était apparu lorsqu'il fuyait devant son frère. Alors mourut Déborah, nourrice de Rebecca, et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, au pied du chêne auquel on donna le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. » Et il le nomma Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Il naîtra de toi une nation et une assemblée de nations, et de tes reins sortiront des rois. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Et Dieu remonta d'auprès de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et dans le lieu où il lui avait parlé, Jacob dressa un monument de pierre, sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Il donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance avant d'arriver à Éphrata, lorsque Rachel enfanta, et son accouchement fut pénible. Pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car c'est encore un fils que tu vas avoir. » Comme son âme s'en allait, car elle était mourante, elle le nomma Benoni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée au chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur sa tombe. C'est le monument de la tombe de Rachel, qui subsiste encore aujourd'hui. Israël partit, et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël demeurait dans cette contrée, Ruben vint et coucha avec Bala, concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Lia, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bala, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zelpha, servante de Lia, Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan Aram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kiriath Arbé, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Isaac expira et mourut, et il fut réuni à son peuple, vieux et rassasié de jours. Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Chapitre 36. Voici l'histoire d'Ésaü, qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon, le Héthéen. Oholibama, fille d'Anna, fille de Sébéon, le Hévéen, et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nabaïoth. Ada enfanta Ésaü, Éliphaz, Basmat enfanta Raüel, et Oholibama enfanta Jéhus, Iélon et Coré. Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent au pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, et toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis dans le pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils demeurassent ensemble, et le pays où ils séjournaient ne pouvait leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü est Édom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Raüel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Téman, Omar, Sepho, Gatam et Sénèse. Tamna fut concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et elle enfanta Amalek à Éliphaz. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Raüel. Nahat, Zara, Samma et Mesa. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, fille d'Anna, fille de Sébéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta à Ésaü Jéus, Hiélon et Corée. Voici les chefs des tribus issues des fils d'Ésaü. Fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Théman, le chef Omar, le chef Sepho, le chef Sénèse, le chef Corée, le chef Gatam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz, au pays d'Édom. Ce sont là les fils d'Ada. Fils de Raüel, fils d'Ésaü. Le chef Nahat, le chef Zara, le chef Samma et le chef Mesa. Ce sont là les chefs issus de Raüel, au pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Fils d'Oholibama, femme d'Ésaü. Le chef Jéus, le chef Hiélon et le chef Coré. Ce sont là les chefs issus d'Oholibama, fille d'Anna et femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü et ce sont là leurs chefs. C'est Édom. Voici les fils de Séir, le Horéen, qui habitait le pays. Lotan, Sobal, Sébéon, Anna, Dizon, Ézer et Dizan. Ce sont là les chefs des Horéens, fils de Séir, au pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Hori et Éman, et Tamma était sœur de Lotan. Voici les fils de Sobal, Alvan, Manahat, Ébal, Sepho et Onam. Voici les fils de Sébéon, Aya et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert, en faisant paître les ânes de Sébéon, son père. Voici les enfants d'Anna, Dizon et Oholibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dizon, Amdan, Ézéban, Jétram et Charan. Voici les fils d'Ézer, Balan, Zavan et Akan. Voici les fils de Dizan, Hus et Aram. Voici les chefs des Horéens, le chef Lotan, le chef Sobal, le chef Sébéon, le chef Anna, le chef Dizan, le chef Ézer, le chef Dizan. Ce sont là les chefs des Horéens, chacun de leurs chefs au pays de Séir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna en Édom, et le nom de sa ville était Dénaba. Béla mourut, et à sa place régna Jobab, fils de Zara, de Bosra. Jobab mourut, et à sa place régna Hussam, du pays des Thémanites. Hussam mourut, et à sa place régna Hadad, fils de Badad, qui défit Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut, et à sa place régna Semla, de Masreka. Semla mourut, et à sa place régna Saül, de Rohoboth sur le fleuve. Saül mourut, et à sa place régna Balanan, fils d'Akor. Balanan, fils d'Akor, mourut, et à sa place régna Adar. Le nom de sa ville était Fahu, et le nom de sa femme Mehétabel, fille de Matred, fille de Mézaab. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü, selon leur tribu, leur territoire et d'après leur nom. Le chef Tama, le chef Alva, le chef Jetet, le chef Oholibama, le chef Ela, le chef Finon, le chef Sénèse, le chef Théman, le chef Mabzar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom, selon leur demeure dans le pays qu'ils occupent. C'est là Ésaü, père d'Édom. Chapitre 37. Jacob s'établit dans le pays où son père avait séjourné dans le pays de Canaan. Voici l'histoire de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les brebis avec ses frères. Comme il était encore jeune, il se trouvait avec les fils de Bala et avec les fils de Zelpha, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père de mauvais bruits qui couraient sur leur compte. Or Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce que c'était un fils de sa vieillesse, et il lui fit une robe longue. Ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous, le prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler amicalement. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez, je vous prie, le songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe s'est levée et s'est tenue debout, et vos gerbes l'ont entourée et se sont prosternées devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous domineras ?» Et ils le haïrent encore davantage pour ses songes et pour ses paroles. Il eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères, et son père le réprimanda en disant, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faudra-t-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Et ses frères furent jaloux de lui, mais son père conservait la chose dans son cœur. Les frères de Joseph allèrent paître les troupeaux de leur père à Sichem. Et Israël dit à Joseph, « Tes frères ne pèsent-ils pas le troupeau à Sichem? Viens, que je t'envoie vers eux. » Il répondit, « Me voici. » Et Israël lui dit, « Va donc, et vois si tes frères vont bien, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en apporteras des nouvelles. » Et il l'envoya de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme, l'ayant rencontré errant dans la campagne, le questionna en disant, « Que cherches-tu ? » Il répondit, « Je cherche mes frères. Indique-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothaïn. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothaïn. Ils l'aperçurent de loin, et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'homme au songe, c'est bien lui qui arrive. Venez donc, tuons-le et jetons-le dans une des citernes, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons ce qui en sera de ses songes. » Ruben entendit, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne le frappons pas à mort. » Ruben leur dit, « Ne versez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, et ne portez pas la main sur lui. » Son dessein était de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph arriva auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa robe, de la robe longue qu'il portait, et, l'ayant pris, ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau. Puis ils s'assirent pour manger. Levant les yeux, ils virent, et voici qu'une caravane d'Ismaélites venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'astragale, de baume et de ladanum, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Allons le vendre aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Ses frères l'écoutèrent, et, quand les marchands madianites passèrent, ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne, et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici que Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, et, étant retourné vers ses frères, il dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je ? » Ils prirent alors la robe de Joseph, et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la robe dans le sang. Et ils envoyèrent à leur père la robe longue, en lui faisant dire : « Voilà ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la robe de ton fils ou non. » Jacob la reconnut et dit : « C'est la robe de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Et il déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et fit le deuil de son fils pendant longtemps. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il refusa d'être consolé. Il disait : « Je descendrai dans le deuil vers mon fils au séjour des morts. » Et son père le pleura. Les Madianites le vendirent en Égypte à Putiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Chapitre 38. En ce temps-là, Judas, s'éloignant de ses frères, descendit et arriva jusqu'auprès d'un homme d'Odolam, nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen, nommé Sué, et il la prit pour femme et alla vers elle. Elle conçut et enfanta un fils, et il le nomma Her. Elle conçut encore et enfanta un fils, et elle le nomma Onan. Elle conçut de nouveau et enfanta un fils, et elle le nomma Séla. Judas était à Aksib quand elle le mit au monde. Judas prit pour Her, son premier-né, une femme nommée Tamar. Her, premier-né de Judas, fut méchant aux yeux du Seigneur, et le Seigneur le fit mourir. Alors Judas dit à Onan : « Va vers la femme de ton frère, remplis ton devoir de beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Mais Onan savait que cette postérité ne serait pas à lui, et, lorsqu'il allait vers la femme de son frère, il se souillait à terre afin de ne pas donner de postérité à son frère. Son action déplut au Seigneur, qui le fit aussi mourir. Et Judas dit à Tamar, sa belle-fille : « Demeure comme veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Séla, mon fils, soit devenu grand. » Car il se disait : « Il ne faut pas que lui aussi meure comme ses frères. » Tamar s'en alla et demeura dans la maison de son père. Après beaucoup de jours, la fille de Sué, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas eut fini son deuil, il monta vers ceux qui tondaient ses brebis à Tamna, lui et son ami Ira, l'Odolamite. On en informa Tamar en disant : « Voici ton beau-père qui monte à Tamna pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses vêtements de veuve, se couvrit d'un voile, et, ainsi enveloppée, elle s'assit à l'entrée d'Enaïm, sur le chemin de Tamna, car elle voyait que Séla était devenu grand et qu'elle ne lui était pas donnée pour femme. Judas, l'ayant vue, la prit pour une femme de mauvaise vie, car elle avait couvert son visage. Il se dirigea de son côté vers le chemin et dit : « Laisse-moi aller vers toi, » car il ignorait que ce fût sa belle-fille. Elle dit : « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit : « Je t'enverrai un chevreau du troupeau. » Elle dit : « À condition que tu me donnes un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Il dit : « Quel gage dois-je te donner ?» Elle dit : « Ton anneau, ton cordon et ton bâton que tu tiens à la main. » Il les lui donna et alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Puis, s'étant levée, elle s'en alla, et elle ôta son voile et revêtit ses vêtements de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami, l'Odolamite, pour retirer le gage des mains de cette femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant : « Où est cette prostituée qui se tenait à Enaïm au bord du chemin ?» Ils répondirent : « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il revint donc vers Judas et dit : « Je ne l'ai point trouvée. » Et même les gens du lieu ont dit : « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Judas dit : « Qu'elle garde son gage. Il ne faut pas qu'on se moque de nous. Voici, j'ai envoyé le chevreau promis, et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après, on vint dire à Judas : « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de ses prostitutions. » Judas dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'emmenait dehors, elle envoya dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Regarde bien, ajouta-t-elle, à qui sont cet anneau, ce cordon et ce bâton. » Judas les reconnut et dit, « Elle est plus juste que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Séla, mon fils. » Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'enfanter, voici, il y avait deux jumeaux dans son sein. Pendant l'accouchement, l'un d'eux étendit la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil écarlate en disant, « C'est celui-ci qui est sorti le premier. » Mais il retira sa main, et voici que son frère sortit. « Quelle brèche tu as faite ? » dit la sage-femme. « La brèche soit sur toi. » Et on le nomma Pharès. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil écarlate, et on le nomma Zara. Chapitre 39. Joseph fut emmené en Égypte, et Putiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait amenés. Le Seigneur fut avec Joseph, qui faisait prospérer toutes choses. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que le Seigneur était avec lui, et que le Seigneur faisait réussir entre ses mains tout ce qu'il faisait. Joseph trouva donc grâce à ses yeux, et il fut employé à son service. Son maître l'établit sur sa maison, et remit en ses mains tout ce qu'il avait. Dès qu'il l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il avait, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction du Seigneur fut sur tout ce qu'il avait, soit à la maison, soit au champ. Et il abandonna tout ce qu'il avait aux mains de Joseph, ne s'informant plus de rien avec lui, si ce n'est des aliments qu'il prenait. Or Joseph était beau de corps et beau de figure. Il arriva, après ces choses, que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et lui dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne s'informe avec moi de rien dans la maison, et il a remis tout ce qu'il a entre mes mains. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal, et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle en parlât tous les jours à Joseph, il ne consentit pas à coucher auprès d'elle, ni à être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son service, sans qu'il y eût là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Mais il lui laissa son vêtement dans la main, et il s'enfuit au dehors. Quand elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur parla en disant « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour folâtrer avec nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, et j'ai appelé à grands cris. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui au dehors. Puis elle posa près d'elle le vêtement de Joseph jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. » Et elle lui parla selon ces paroles-là, en disant, « Le serviteur hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour folâtrer avec moi. Et comme j'ai élevé la voix et jeté des cris, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Quand le maître de Joseph eut entendu les paroles de sa femme, qui lui parlait en ces termes, « Voilà ce que m'a fait ton serviteur », sa colère s'enflamma. Il prit Joseph et le mit dans la prison. C'était le lieu où étaient détenus les prisonniers du roi. Et il fut là en prison. Le Seigneur fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et tout ce qui s'y faisait se faisait par lui. Le chef de la prison ne regardait à rien de tout ce que Joseph avait en main, parce que le Seigneur était avec lui, et le Seigneur faisait réussir tout ce qu'il faisait. Chapitre 40. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, contre le chef des échansons et le chef des panetiers, et il les fit enfermer chez le chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes établit Joseph auprès d'eux, et il les servait. Et ils furent un certain temps en prison. L'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous deux un songe dans la même nuit, chacun le sien, ayant une signification différente. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Il interrogea donc les officiers de Pharaon qui étaient avec lui en prison, dans la maison de son maître, et leur dit « Pourquoi avez-vous le visage triste aujourd'hui ?» Ils lui dirent « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne ici pour l'expliquer. » Et Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations ? Racontez-moi, je vous prie, votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph en disant « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi, et ce cep avait trois branches. Il poussa des bourgeons, la fleur sortit et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris des raisins, j'en pressai le jus dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit « En voici l'interprétation. Les trois branches sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. » Et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main, selon ton premier office, lorsque tu étais son échanson. Si tu te souviens de moi quand le bonheur te sera rendu, et si tu daignes user de bonté à mon égard, rappelle-moi au souvenir de Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car c'est par un rapt que j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour qu'on m'ait mis dans cette prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une interprétation favorable, lui dit « Moi aussi, dans mon songe, voici que j'avais sur la tête 3 corbeilles de pain blanc. Dans la corbeille de dessus se trouvaient toutes sortes de pâtisseries pour Pharaon, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille qui était sur ma tête. » Joseph répondit « En voici l'interprétation. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi et te pendra à un bois, et les oiseaux dévoreront ta chair de dessus toi. » Le 3e jour, qui était le jour de la naissance de Pharaon, il donna un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers. Il rétablit le chef des échansons dans son office d'échanson, et celui-ci mit la coupe dans la main de Pharaon. Et il fit pendre le chef des panetiers, selon l'interprétation que Joseph leur avait donnée. Mais le chef des échansons ne parla pas de Joseph, il l'oublia. Chapitre 41. 2 ans s'étant écoulés, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici que du fleuve montaient 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, et elles se mirent à paître dans la verdure. Et voici qu'après elles montaient du fleuve 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, et elles vinrent se mettre à côté des vaches qui étaient sur le bord du fleuve. Et les vaches laides à voir et maigres de chair dévorèrent les 7 vaches belles à voir et grasses. Alors Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, et il eut un second songe. Et voici, 7 épis s'élevaient d'une même tige, gras et beaux. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussaient après cela. Et les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Alors Pharaon s'éveilla. Et voilà, c'était un songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les scribes et tous les sages d'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons, prenant la parole, dit à Pharaon « Je vais rappeler aujourd'hui mes fautes. » Pharaon était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait mis en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes un songe dans la même nuit, moi et lui. Nous rêvâmes chacun selon la signification de son songe. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, serviteur du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous en donna l'interprétation. À chacun il interpréta son songe, et les choses se passèrent comme il avait interprété. Moi, Pharaon me rétablit dans mon poste, et lui, on le pendit. Pharaon envoya appeler Joseph, et on le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, mit d'autres vêtements, et se rendit vers Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe que personne ne peut interpréter, et j'ai entendu dire de toi que, quand tu entends un songe, tu l'interprètes. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici que du fleuve montaient sept vaches grasses de chair et de belle apparence, et elles se mirent à paître dans la verdure. Et voici qu'après elles montaient sept autres vaches, maigres, fort laides d'aspect et décharnées. Je n'en ai point vu de pareilles en laideur dans tout le pays d'Égypte. Les vaches maigres et laides dévorèrent les sept premières vaches, celles qui étaient grasses. Celles-ci entrèrent dans leur ventre, sans qu'il parût qu'elles y fussent entrées. Leur aspect était aussi laid qu'auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe. Et voici sept épis qui s'élevaient sur une même tige, pleins et beaux. Et voici sept épis chétifs, maigres et brûlés par le vent d'Orient, qui poussaient après cela. Et les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. J'ai raconté cela au scribe, et aucun d'eux ne me l'explique. Joseph dit à Pharaon, « Le songe de Pharaon est un. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept belles vaches sont sept années, et les sept beaux épis sont sept années. C'est un seul songe. Les sept vaches chétives et laides qui montaient après elles sont sept années, et les sept épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront sept années de famine. Telle est la parole que j'ai dite à Pharaon. Dieu a fait voir à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, sept années de grande abondance vont venir dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront ensuite, et l'on oubliera toute cette abondance dans le pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. On ne s'apercevra plus de l'abondance à cause de cette famine qui suivra dans le pays, tant elle sera grande. Et si le songe a été répété à Pharaon deux fois, c'est que la chose est décidée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon trouve un homme intelligent et sage, et qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte. Que Pharaon établisse en outre des intendants sur le pays, pour lever un cinquième des récoltes du pays d'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tout le produit de ces bonnes années qui viennent, qu'il fasse des amas de blé à la disposition de Pharaon, comme provisions dans les villes, et qu'il les conserve. Ces provisions seront pour le pays une réserve pour les sept années de famine qui arriveront au pays d'Égypte, et le pays ne sera pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme pareil à celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. C'est toi qui gouverneras ma maison, et tout mon peuple obéira à ta bouche. Par le trône seulement, je serai plus grand que toi. » Et Pharaon dit à Joseph, « Voici que je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Et il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui mit au cou un collier d'or. Il le fit monter sur le second de ses chars et on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi qu'il fut établi sur tout le pays d'Égypte. Et Pharaon dit à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, nul ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon nomma Joseph Tsaphnath-Panéakh, et il lui donna pour femme Asenet, fille de Putiphar, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon pour parcourir tout le pays d'Égypte. La terre rapporta à pleine main pendant les 7 années d'abondance. Joseph rassembla tous les produits des 7 bonnes années qu'il y eut au pays d'Égypte, et il fit des approvisionnements dans les villes, déposant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en si grande quantité qu'on cessa de compter parce qu'il était sans nombre. Avant qu'arrivât l'année de famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asenet, fille de Putiphar, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a fait fructifier dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il y eut en Égypte étant achevées, les 7 années de famine commencèrent à venir, comme Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, tandis qu'il y avait du pain dans tout le pays d'Égypte. Puis tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, et le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Et Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph, faites ce qu'il vous dira. » La famine étant sur toute la face du pays, Joseph ouvrit tous les greniers qu'on y avait établis et vendit du blé aux Égyptiens. Et la famine s'accrut dans le pays d'Égypte. De toute la terre, on venait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine s'était aggravée sur toute la terre. Chapitre 42. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions point. » Les frères de Joseph descendirent au nombre de 10 pour acheter du blé en Égypte. Mais pour Benjamin, frère de Joseph, Jacob ne l'envoya pas avec ses frères, car il s'était dit, « Il est à craindre qu'il ne lui arrive malheur. » Les fils d'Israël vinrent donc pour acheter du blé, avec d'autres qui venaient aussi, car la famine était au pays de Canaan. Joseph était le chef du pays, et c'est lui qui vendait le blé à tous les gens du pays. Les frères de Joseph, étant arrivés, se prosternèrent devant lui, la face contre terre. En voyant ses frères, Joseph les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux, et leur parla avec rudesse en disant, « D'où venez-vous ? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut donc ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint alors des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour reconnaître les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Tous nous sommes fils d'un même homme, nous sommes d'honnêtes gens. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Point du tout. Vous êtes venus reconnaître les endroits faibles du pays. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, nous sommes 12 frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est maintenant avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Il en est comme je viens de vous le dire, vous êtes des espions. En ceci vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous chercher votre frère, et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront ainsi mises à l'épreuve, et l'on verra si la vérité est avec vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » et il les fit mettre ensemble en prison pendant 3 jours. Le 3e jour, Joseph leur dit « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes d'honnêtes gens, que l'un de vous, votre frère, reste lié dans votre prison, et vous, allez, emportez du blé pour calmer la faim de vos familles, et amenez-moi votre plus jeune frère, et vos paroles seront reconnues vraies, et vous ne mourrez point. » Et ils firent ainsi. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Vraiment, nous sommes punis à cause de notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. Voilà pourquoi cette détresse est venue vers nous. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez pas de péché contre l'enfant, et vous n'avez pas écouté. Et voici, son sang est redemandé. » Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il lui parlait par l'interprète. Et il s'éloigna d'eux, et il pleura. Étant ensuite revenu vers eux, il leur parla. Et il prit parmi eux Siméon, et le fit lier sous leurs yeux. Puis Joseph commanda qu'on remplît de blé leur vaisseau, qu'on remît l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et il leur fut fait ainsi. Ayant chargé le blé sur leurs ânes, ils partirent. À l'endroit où ils passèrent la nuit, l'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, et il vit son argent, qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « On a remis mon argent, le voici dans mon sac. » Et le cœur leur manqua, et ils se dirent en tremblant l'un à l'autre, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, au pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé en disant, « L'homme qui est le maître du pays nous a parlé durement et nous a pris pour des gens espionnant le pays. Nous lui avons dit, « Nous sommes d'honnêtes gens, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils d'un même père. L'un n'est plus, et le plus jeune est maintenant avec notre père au pays de Canaan. » Et l'homme qui est le maître du pays nous a dit, « En ceci, je saurai que vous êtes d'honnêtes gens. Laissez auprès de moi l'un de vous, votre frère, prenez de quoi calmer la faim de vos familles et partez, et amenez-moi votre plus jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, mais que vous êtes d'honnêtes gens. Je vous rendrai alors votre frère, et vous pourrez trafiquer dans le pays. » Comme ils vidaient leur sac, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils furent effrayés. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me faites sans enfant. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous allez prendre Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains, et moi, je te le ramènerai. » Il dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, et lui reste seul. S'il lui arrivait malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Chapitre 43. La famine s'apesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, leur père leur dit, « Retournez nous acheter un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez point ma face, que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu laisses venir notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne le laisses pas venir, nous ne descendrons point. Car cet homme nous a dit, « Vous ne verrez pas ma face, que votre frère ne soit avec vous. » Et Israël dit, « Pourquoi m'avez-vous causé cette peine de dire à cet homme que vous aviez encore un frère ?» Ils dirent, « Cet homme nous a adressé beaucoup de questions sur nous et sur notre famille, en disant, « Votre père vit-il encore ? Avez-vous un autre frère ?» Et nous avons répondu selon ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, « Faites descendre votre frère. » Et Juda dit à Israël, son père, « Laisse partir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et nous mettions en route, et nous vivrons et ne mourrons point, nous, toi et nos petits-enfants. C'est moi qui réponds de lui, tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, si je ne le mets pas devant toi, je serai coupable envers toi à tout jamais. Car si nous n'avions pas tant tardé, nous serions maintenant deux fois de retour. » Israël, leur père, leur dit, « Eh bien, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos vaisseaux des meilleures productions du pays et portez à cet homme un présent. Un peu de baume et un peu de miel, de l'astragale, du ladanum, des pistaches et des amandes. Prenez dans vos mains de l'argent en double et reportez celui qui a été mis à l'entrée de vos sacs, peut-être par erreur. Prenez votre frère, levez-vous et retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme, afin qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère, ainsi que Benjamin. Pour moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. » Les hommes prirent ce présent, et ils prirent dans leurs mains de l'argent au double, ainsi que Benjamin. Et, s'étant levés, ils descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit Benjamin avec eux, il dit à son intendant, « Fais entrer ces gens dans la maison, tue des victimes et apprête un repas, car ces gens mangeront avec moi à midi. » Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Pendant qu'on les conduisait à la maison de Joseph, les hommes eurent peur, et ils dirent, « C'est à cause de l'argent rapporté l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour nous assaillir, tomber sur nous, nous prendre comme esclaves avec nos ânes. » S'étant approchés de l'intendant de la maison de Joseph, ils lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison en disant, « Pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Au retour, quand nous arrivâmes à l'endroit où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs, et voici, l'argent de chacun était à l'entrée de son sac, notre argent selon son poids. Nous le rapportons avec nous, et en même temps nous avons apporté d'autre argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui a mis notre argent dans nos sacs. » Il leur dit, « Que la paix soit avec vous, ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'a été remis. » Et il leur amena Siméon. Cet homme, les ayant fait entrer dans la maison de Joseph, leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs présents en attendant que Joseph vînt à midi, car on leur avait annoncé qu'ils mangeraient chez lui. Quand Joseph fut arrivé chez lui, ils lui apportèrent dans la maison le présent qu'ils avaient dans la main, et se prosternèrent par terre devant lui. Il leur demanda comment ils se portaient, puis il dit, « Votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? » Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et il vit Benjamin, son frère, fils de sa mère. Il dit, « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Et il dit, « Que Dieu te soit favorable, mon fils. » Alors, en toute hâte, car ses entrailles étaient émues pour son frère, Joseph chercha un endroit pour pleurer. Il entra dans sa chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il sortit et, faisant des efforts pour se contenir, il dit, « Servez à manger. » On le servit à part, et ses frères à part aussi les Égyptiens qui mangeaient avec lui, car les Égyptiens ne peuvent prendre leur repas avec les Hébreux. C'est une abomination pour les Égyptiens. Les frères de Joseph s'assirent devant lui, le premier-né selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Il leur fit porter des portions de devant lui, et la portion de Benjamin était 5 fois plus forte que les portions d'eux tous. Ils burent joyeusement avec lui. Chapitre 44. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya les hommes avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville, sans en être encore bien éloignés, lorsque Joseph dit à son intendant : Lève-toi, poursuis ces gens, et, quand tu les auras atteints, tu leur diras : Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'est-ce pas la coupe dans laquelle boit mon seigneur, et dont il se sert pour deviner ? C'est une action mauvaise que vous avez faite. L'intendant, les ayant rejoints, leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent. Pourquoi mon seigneur parle-t-il ainsi? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé dans la maison de ton seigneur de l'argent ou de l'or? Que celui de tes serviteurs sur qui sera trouvée la coupe meure, et que nous soyons aussi nous-mêmes les esclaves de mon seigneur. Il leur dit, « Eh bien, qu'il en soit selon vos paroles. Celui chez qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez quitte. » Chacun descendit aussitôt son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune, et la coupe se trouva dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements et, chacun ayant rechargé son âne, ils retournèrent à la ville. Judas avec ses frères arriva à la maison de Joseph, qui s'y trouvait encore, et ils se prosternèrent devant lui jusqu'à terre. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne saviez-vous pas qu'un homme tel que moi saurait bien deviner ?» Judas répondit, « Que pouvons-nous dire à mon seigneur? Comment parler? Comment nous justifier? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui chez qui s'est trouvée la coupe. » Et Joseph dit, « Dieu me garde de faire cela. L'homme chez qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, et vous, remontez en paix vers votre père. » Alors Judas, s'approchant de Joseph, lui dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse dire une parole aux oreilles de mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es l'égal de Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ? » Et nous avons répondu à mon Seigneur, « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort, et il reste seul de la même mère, et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, « Faites-le descendre vers moi, et que je pose mes yeux sur lui. » Nous avons répondu à mon Seigneur, « L'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. » Tu as dit à tes serviteurs, « Si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez plus ma face. » Lorsque nous sommes remontés vers ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et quand notre père a dit, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres », nous avons répondu, « Nous ne pouvons pas descendre. Mais, si notre plus jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons voir la face de cet homme à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. » Ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un s'en est allé d'avec moi, et j'ai dit, « Il faut qu'il ait été dévoré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur au séjour des morts. » Maintenant, quand je retournerai auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'âme duquel est attachée son âme, dès qu'il verra que l'enfant n'y est pas, il mourra. Et tes serviteurs auront fait descendre avec douleur au séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu de l'enfant en le prenant à mon père. Il a dit, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai coupable envers mon père à tout jamais. Permets donc, je te prie, que moi, ton serviteur, je reste à la place de l'enfant comme esclave de mon seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Non, que je ne voie point l'affliction qui accablerait mon père. » Chapitre 45. Alors Joseph ne put se contenir devant tous ceux qui étaient présents. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec lui quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, tant ils étaient bouleversés devant lui. Et Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi !» Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés contre vous-même de ce que vous m'avez vendu pour être conduit ici. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voilà 2 ans que la famine est dans ce pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et vous faire subsister pour une grande délivrance. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, seigneur sur toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de monter vers mon père, et vous lui direz. Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur sur toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Tu habiteras dans le pays de Geshen, et tu seras près de moi, toi et tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, afin que tu ne souffres pas, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Voici, vos yeux voient, ainsi que les yeux de mon frère Benjamin, que c'est ma bouche qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et faites au plus tôt descendre ici mon père. » Alors il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il baisa aussi tous ses frères et pleura en les tenant embrassés. Puis ses frères s'entretinrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient venus, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Et Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan, et, ayant pris votre père et vos familles, revenez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. » Tu es autorisé à leur dire, « Faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chariots pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Que vos yeux ne s'arrêtent pas avec regret sur les objets que vous devrez laisser, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte est à votre disposition. » Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chariots, selon l'ordre de Pharaon, ainsi que des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya également à son père 10 ânes chargés des meilleurs produits de l'Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres, pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères, qui partirent, et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ayant monté de l'Égypte, ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, « Joseph vit encore, c'est même lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais son cœur resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent alors toutes les paroles que Joseph avait dites. Lorsqu'il eut vu les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, l'esprit de Jacob, leur père, se ranima, et Israël dit, « C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai, et je le verrai avant de mourir. » Chapitre 46. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Bersabée, il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Et Dieu parla à Israël dans une vision de nuit, et il dit, « Jacob, Jacob !» Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis le Dieu fort, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. » Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même aussi je t'en ferai sûrement remonter. Et Joseph posera sa main sur tes yeux. » Jacob, se levant, quitta Bersabée, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, ainsi que leurs femmes et leurs enfants, sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et leurs biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Ruben. Fils de Ruben. Hénoc, Phallu, Esron et Charmi. Fils de Siméon, Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin et Sohar, et Saül, fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gerson, Kahat et Merari. Fils de Juda, Her, Onan, Séla, Phares et Zara. Mais Her et Onan étaient morts au pays de Canaan. Les fils de Phares furent Esron et Amul. Fils d'Isachar, Tola, Fua, Job et Semron. Fils de Zabulon, Sared, Elon et Jaélel. Ce sont là les fils que Lia enfanta à Jacob à Padan Aram avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles étaient en tout 33 personnes. Fils de Gad, Séphion, Agi, Suni, Ézébon, Héri, Arodi et Areli. Fils d'Azer, Jamné, Jésua, Jésui et Beria, et Sarah, leur sœur. Les fils de Beria furent Héber et Melchiel. Ce sont là les fils de Zelpha, que Laban avait donné à Lia, sa fille, et elle les enfanta à Jacob. En tout, 16 personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph, au pays d'Égypte, des fils que lui enfanta Azenet, fille de Putiphar, prêtre d'On, savoir Manassé et Éphraïm. Fils de Benjamin, Béla, Bocor, Asbel, Géra, Naaman, Échi, Ross, Mophim, Ophim et Arède. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob, en tout 14 personnes. Fils de Dan, Ussim. Fils de Nephtali, Jaziel, Guni, Jézer et Salem. Ce sont là les fils de Bala que Laban avait donné à Rachel, sa fille, et elle les enfanta à Jacob, en tout 7 personnes. Toutes les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte, issues de lui, sans compter les femmes des fils de Jacob, étaient au nombre de 66 en tout. Les fils de Joseph qui lui étaient nés en Égypte étaient deux. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob avait envoyé Judas devant lui vers Joseph pour préparer son arrivée en Géssen. Lorsque Jacob et les siens furent entrés en Géssen, Joseph fit atteler son char et y monta pour aller en Géssen à la rencontre d'Israël, son père. Il se montra à lui et, s'étant jeté à son cou, il pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, « Je puis mourir maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon et je lui dirai, « Mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont venus vers moi. Ces hommes font paître des brebis, car ce sont des propriétaires de troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, « Quelle est votre occupation ?» vous répondrez, « Nous, tes serviteurs, sommes des propriétaires de troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, comme l'étaient nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Géssen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. » Chapitre 47. Joseph alla porter la nouvelle à Pharaon en disant, « Mon père et mes frères sont venus du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Géssen. » Ayant pris cinq de ses frères, il les présenta à Pharaon, et Pharaon leur dit, « Quelle est votre occupation ?» Ils répondirent à Pharaon, « Nous, tes serviteurs, sommes bergers, comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore à Pharaon, « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, car il n'y a plus de pâture pour les brebis de tes serviteurs, la famine s'étant appesantie sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter dans le pays de Géssen. » Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu'ils demeurent dans le pays de Géssen, et, si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête des troupeaux qui m'appartiennent. » Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Jacob bénit Pharaon, et Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Courts et mauvais ont été les jours des années de ma vie, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères, et leur assigna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, ainsi que Pharaon l'avait ordonné. Et Joseph fournit de pain son père et ses frères, et toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan étaient épuisés à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand il n'y eut plus d'argent dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, « Donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence? Car nous sommes à bout d'argent. » Joseph dit, « Amenez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain en échange de vos troupeaux, puisque vous êtes à bout d'argent. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain en échange des chevaux, des troupeaux de brebis et de bœufs, et des ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là, en échange de tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, « Nous ne cacherons point à mon seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été donnés à mon seigneur. Il ne reste devant mon seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi péririons-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous ainsi que nos terres pour du pain, et nous serons, nous et nos terres, serfs de Pharaon. Et donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. » Joseph acquit ainsi toutes les terres de l'Égypte à Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leurs champs, parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes, d'une extrémité à l'autre du territoire de l'Égypte. Il n'y eut que les terres des prêtres qu'il n'acquit pas, car les prêtres recevaient de Pharaon une portion déterminée, et ils vécurent de leurs revenus que Pharaon leur assignait. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acquis aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, ensemencez la terre. À la récolte, vous donnerez le cinquième à Pharaon, et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer vos champs et pour vous nourrir, vous et ceux qui sont dans vos maisons, et pour nourrir vos enfants. » Ils dirent, « Nous te devons la vie, que nous trouvions grâce auprès de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi qui subsiste jusqu'à ce jour, et en vertu de laquelle le cinquième du produit des terres d'Égypte appartient à Pharaon. Seules les terres des prêtres ne sont pas à lui. Israël habita au pays d'Égypte, dans la contrée de Gessen. Ils y acquirent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours de Jacob, les années de sa vie, furent de 147 ans. Quand les jours d'Israël approchèrent de leur fin, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Et Jacob dit, « Jure-le-moi. » Joseph le lui jura, et Israël se prosterna sur le chevet du lit. Chapitre 48. Après ces choses, on vint dire à Joseph, « Voici que ton père est malade. » Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob en disant, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni en disant, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je te ferai devenir une assemblée de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à jamais. Et maintenant, les deux fils qui te sont nés dans le pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront miens. Éphraïm et Manassé seront miens, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront tiens. Ils seront appelés du nom de leurs frères quant à leur part d'héritage. Et moi, quand je revenais de Paddan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à une certaine distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. » Alors Israël vit les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci ? » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donné ici. » Et Israël dit, « Fais-les approcher de moi, je te prie, afin que je les bénisse. » Car les yeux d'Israël étaient obscurcis par l'âge, et ils ne pouvaient plus bien voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël les baisa, en les tenant embrassés. Et Israël dit à Joseph, « Je ne pensais plus revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir aussi ta postérité. » Joseph les retira d'entre les genoux de son père, et, s'étant prosterné en terre devant lui, Joseph les prit tous les deux, Éphraïm à sa droite, à la gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, à la droite d'Israël, et il les fit approcher. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. C'est à dessein qu'il posa ainsi ses mains, car Manassé était l'aîné. Il bénit Joseph en disant « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a nourri depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Joseph, voyant que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, en eut du déplaisir. Il prit la main de son père pour l'écarter de dessus la tête d'Éphraïm et la porter sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Mets ta main droite sur sa tête. » Mais son père refusa en disant, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit donc en ce jour-là et dit, « Par toi, Israël bénira en disant, « Que Dieu te rende tel qu'Éphraïm et Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici que je vais mourir. » Mais Dieu sera avec vous, et il vous ramènera dans le pays de vos pères. Je te donne, de plus qu'à tes frères, une portion que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et mon arc. » Chapitre 49. Jacob appela ses fils et leur dit, « Rassemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera à la fin des jours. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force, et le premier fruit de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, tu as bouillonné comme l'eau, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, et tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leurs conseils, que mon âme ne s'unisse point à leur assemblée, car, dans leur colère, ils ont égorgé des hommes, et, dans leur emportement, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle a été violente, et leur fureur, car elle a été cruelle. Je les diviserai en Jacob, et je les disperserai en Israël. Toi, Judas, tes frères te loueront. Ta main sera sur le cou de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu es remonté du carnage, mon fils. Il a ployé les genoux. Il s'est couché comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne Shiloh, c'est à lui que les peuples obéiront. Il attache à la vigne son ânon, au cep le petit de son ânesse. Il lave son vêtement dans le vin, son manteau dans le sang de la grappe. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habite le bord de la mer. Il est sur le rivage où abordent les navires. Son flanc est du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans ses parcs. Il voit que le repos est bon et que le pays est agréable, et il courbe son épaule sous le fardeau. Il est devenu un homme asservi aux tribus. Dan juge son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan est un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô l'Éternel. Gad, des bandes armées le pressent, et lui, à son tour, les presse sur les talons. D'Azer vient le pain savoureux, il fournit les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté, il prononce des paroles gracieuses. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile sur les bords d'une source. Ses branches s'élancent au-dessus de la muraille. Des archers le provoquent. Ils lui lancent des flèches et l'attaquent. Mais son arc reste ferme. Ses bras et ses mains sont rendus agiles par les mains du puissant de Jacob, par celui qui est le pasteur et le rocher d'Israël. Que du Dieu de ton père, il t'aidera, et du Tout-Puissant, il te bénira. Te viennent les bénédictions du ciel en haut, les bénédictions de l'abîme en bas, les bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions des montagnes antiques. La beauté des collines éternelles, qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le front du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui formèrent les 12 tribus d'Israël. C'est ainsi que leur parla leur père et qu'il les bénit. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre. « Je vais être réuni à mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron, le Héthéen, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan. C'est la caverne qu'Abraham a acquise d'Éphron, le Héthéen, avec le champ, pour avoir un sépulcre qui lui appartienne. C'est là qu'on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. C'est là qu'on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme, et c'est là que j'ai enterré Lia. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été acquis des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, ayant retiré ses pieds dans le lit, il expira et fut réuni à ses pères. Chapitre 50. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Puis il ordonna aux médecins de son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Ils y employèrent 40 jours, car c'est le temps que l'on emploie à embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours de son deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez ceci, je vous prie, aux oreilles de Pharaon. Mon père m'a fait jurer en disant « Voici que je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis creusé au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. » Pharaon répondit « Monte et enterre ton père, comme il te l'a fait jurer. » Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, les anciens de sa maison et tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. Ils ne laissèrent dans le pays de Gessen que leurs petits-enfants, leurs brebis et leurs bœufs. Ils montaient encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivés à l'aire d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations, et Joseph célébra en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, ayant vu ce deuil dans l'aire d'Atad, dirent « Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mitzraïm à ce lieu qui est au-delà du Jourdain. » Les fils de Jacob firent donc envers lui comme il leur avait commandé. Ses fils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acquise d'Éphron le Héthéen, avec le champ, pour avoir un sépulcre qui lui appartint, vis-à-vis de Mambré. Après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Maintenant donc, je te prie, pardonne le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui en disant « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez dans la pensée de me faire du mal, mais Dieu avait dans la sienne d'en faire sortir du bien, afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui, afin de conserver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » C'est ainsi qu'il les consola, en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Des fils de Machir, fils de Manassé, naquirent aussi sur les genoux de Joseph. Joseph dit à ses frères, « Pour moi, je vais mourir, mais Dieu vous visitera certainement et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Certainement Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes os d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte.